haine. Toi tu aurais voulu croire que le monde était bon. Tes yeux n'ont pas voulu voir que les hommes étaient sots. Sera sombre si on ne fait pas un peu de place.